La cérémonie de la fête du 3 octobre, fête commémorative de la fondation de la Corée par Tangun, s'est déroulée devant le tombeau de Tangun en présence de Kim Yong-dae, président du comité central du Parti social-démocrate de Corée et président du Conseil pour la réconciliation nationale, des cadres intéressés, des travailleurs de la ville de Pyongyang et des compatriotes coréens d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste. L'offrande a été suivie du rapport.